J'observe la rue par ma fenêtre. Je ne vois rien de bon, mais bon, je remercie ma mère de m'avoir fait naître. Je vois des choses de toutes les couleurs. Je côtoie des dealers, dealers. Pour nous, la vie est synonyme de douleur. Y en a qui pètent les plombs, qui t'apprennent perpète. On file les cagoules pour amasser le max de pépettes. On n'a pas tous les mêmes chances de réussite. Rares sont les félicites, rares sont ceux qui te félicitent. Viens faire un tour chez nous, tu verras, y a rien de neuf. À part deux, trois bâtiments, c'est assuré, toujours le même bluff. Les mêmes keufs qui rôdent, les mêmes qui prennent du grade. C'est grave, la situation se dégrade. Très tôt, les jeunes deviennent des bandits. Démoralisés de voir le nombre de gens qui mendient. Plus on grandit, plus on veut manger à sa faim. J'ai trop de choses à dire, mais mon couplet arrive à sa il fin. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, ouais ouais, il faut de tout, ouais ouais, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Je prends la vie comme elle vient. J'accepte nos différences, mes origines, mon éducation me servent de référence. Je tire ma révérence à tous ces balayeurs de rue. T'imagines les odeurs dehors si ces gens ne taffaient plus. On serait toujours malade s'il n'y avait plus de médecins. Il y aurait 10 fois plus de morts s'il n'y avait plus de vaccins. De mes coups de stylo, je brûle le papier. Finirait tous dans les flammes s'il n'y avait plus de pompiers. Entends-tu comment les villes grondent? Mon esprit s'endurcit, leur tristesse et joie se confondent. Je cultive des richesses au pied des misérables. L'erreur est humaine, mais nos fautes sont-elles réparables? Coupable, sans avoir été jugé. De toute façon, un jour ou l'autre, t'es obligé de gruger. Y'a trop de trucs incohérents, y'aura jamais d'évolution. Ton compte sera pas plus tolérant. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, ouais ouais, il faut de tout, ouais ouais, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. C'est le naufrage à bord de mon bateau comme dans le Titanic. Si t'attrapes tétanos, tout de suite c'est la prise de panique. Le vent siffle, la mer souffle, un goût amer j'ai de voir qu'autant de mer souffre. Mon quotidien c'est métro boulot dodo, et les stats c'est métro boulot bédo. Faut de tout pour faire un monde, donc il faut des amoureux, tous prêts à payer le prix juste pour être des hommes heureux. Heureusement qu'on a le sport pour se divertir, beaucoup attendent l'été pour se dévêtir. Je prie le ciel pour pas que l'hiver dure, et je taffe le rap en espérant un jour faire une couverture. Dans cette vie faut savoir se débrouiller, quitte à magouiller si les portes sont verrouillées. Mes larmes coulent, surtout viens pas les essuyer. Je lâcherai pas l'affaire avant d'avoir au moins tout essayé. Il faut de tout pour faire un monde.